Salut à tous, bienvenue dans Motor, c'est le jour des amoureux. Et bien nous, on va s'intéresser aux amoureux du rallye et du sport avec le Rallye de Suède. À tout de suite. Nous sommes en direct avec Christophe Dominici, vice-champion du monde de rugby. Alors Christophe, qu'est-ce qu'il faut à nos joueurs pour gagner? Du talent, de l'expérience, mais surtout être bien hydraté. Et pour cela, j'ai pas trouvé mieux que Centur. C'est l'eau la plus riche en minéraux et en bicarbonate. Centur est reconnu pour mieux hydrater et diminuer la fatigue musculaire. Et alors? Alors, sur le terrain comme dans la vie, Centur ne me quitte plus. Et au fait, allez sur savafort.com pour gagner des places de rugby et plein de cadeaux. Avec Centur, ça va fort. Très fort. Centur, l'eau officielle du 15 de France. À vous, les petites anglaises, les belles italiennes, les grosses allemandes, les charmantes suédoises, les japonaises, les américaines et les françaises. Redécouvrez tous les plaisirs automobiles avec l'Autojournal Nouvelle Formule. Tous les 15 jours, l'Autojournal, tous les plaisirs de l'automobile. Spécial Voyance Flash. Nous avons sélectionné pour vous les 5 meilleurs cabinets de voyance de France. Ils sont regroupés sur le 3296, un numéro court, encore plus rapide et efficace. Ouvert jour et nuit pour des consultations précises sans carte bancaire. Avec le 3296, vous obtiendrez des réponses précises et garanties. Le 3296, c'est la ligne de voyance de référence. New York, 1960. Don Draper est le meilleur publicitaire de sa génération. Il a tout, le succès, une famille et un secret. Très lourd à porter, et tous les secrets ont un prix. Récompensé aux Golden Globe et aux Emmy Awards, Mad Men, saison 1, la série événement enfin disponible en Blu-ray et DVD. Mad Men, saison 1, avec BFM TV. Retrouvez toute la passion du WRC avec Total, fournisseur officiel des lubrifiants moteurs pour le team Citroën Total. Performance, fiabilité, protection. La technologie des lubrifiants Total Activa est au service de votre moteur dans toutes les conditions, même les plus extrêmes. Total. Vous ne viendrez plus chez nous par hasard. Retrouvez toute l'actualité des sports automobiles dans Auto Hebdo avec RMC. RMC Motors avec Motors TV. Salut à tous et bienvenue donc dans ce rendez-vous de Motors, le magazine du sport mécanique sur RMC. On va bien sûr parler aujourd'hui du rallye de Suède, la première manche du championnat du monde WRC. On aura une grande page F1 et puis quelques petites surprises également dans ce numéro, avec en particulier un rendez-vous avec le vainqueur de l'Enduropal du Touquet, Michael Pichon. Mais bien évidemment, tout de suite, on va s'intéresser à la première manche du championnat du monde des rallyes. Ça se passe en Suède, dans la neige, un fil blanc tout au long de cette émission avec Eric Briquet, notre envoyé spécial. Salut Eric. Allô, oui, allô Eric, comment ça va? Eh ben écoute, ça peut aller. Ici en Suède, là, on a de la neige à revendre. Si Vancouver en veut aux Jeux Olympiques d'hiver, il y a de quoi récupérer quelques containers, il y a de la neige et du soleil. Donc c'est vraiment extra ici les conditions. Bon, ben tant mieux. Un petit peu de, un petit bilan carbone donc de la neige en Suède, c'est mieux effectivement qu'à Vancouver. J'ai cru comprendre que tu étais du côté de Hagfors, hein, sur un terrain d'aviation qui bah, peut rappeler un petit peu ce qui se passe de temps en temps du côté de l'Afrique et des rallyes raids, dans le parc là, et on n'a pas sablé. Hein. Il y a effectivement de la neige. Alors tout de suite, Eric, dans le vif du sujet, où en est-on de cette fin de rallye de Suède? Eh bien, écoutez Patrick, l'avant-dernière épreuve chronométrée s'est terminée il y a environ une demi-heure. Nous avons les premiers temps avec un scratch pour le Finlandais Jari Matti Latvala sur la Ford Focus officielle, mais c'est vraiment pour l'anecdote que je donne son temps en moins de 11 minutes, 10 minutes 59 secondes et 6 dixièmes, tout simplement parce que les positions sont désormais bien figées depuis ce matin. On trouve toujours le Finlandais Mikko Hirvonen en tête et Sébastien Loeb deuxième au volant de la Citroën C4 à 36 secondes et 7 dixièmes désormais du Finlandais. Troisième place donc Latvala, quatrième Dani Sordo, l'équipier de Sébastien Loeb sur la Citroën C4, et cinquième place un autre Français, et ça si c'est une très bonne nouvelle pour sa première participation ici, c'est Sébastien Ogier qui est à 1 minute 16 secondes du leader, donc après l'avant-dernière épreuve chronométrée ramène qui s'est déroulé sur 21 km 800. Il reste désormais une épreuve à disputer, longue de 23 km, celle de Vermusalen, et on aura le résultat final dans un peu plus d'une heure environ sur ce rallye de Suède. période. Alors bien évidemment Eric, hein, on se retrouvera justement pour vivre ensemble cette toute dernière spéciale du rallye. Mais déjà, que s'est-il passé ce matin? On avait quitté Sébastien Loeb et Mirko Hirvonen hier soir, séparés d'un peu plus de 16 secondes. Et là, la note a pratiquement doublé. Donc elle est salée la note. Ah oui, effectivement, là sur les routes verglacées de Suède, eh bien, Sébastien Loeb a lâché prise plus ou moins volontairement. Il a encore tenté ce matin, attention, il avait toujours envie de mettre la pression sur Mikko Hirvonen, sachant qu'une faute était toujours possible sur ce rallye où les conditions sont extrêmement difficiles. Donc dans la première spéciale, celle de Ramen, disputée un petit peu avant 8h, il faisait encore très froid, des températures inférieures à moins 10 degrés. Eh bien, Sébastien Loeb et Mikko Hirvonen donc, ont réalisé quasiment à 2-3 dixièmes près le même chrono. Et dans l'épreuve suivante où Sébastien Loeb a encore essayé d'attaquer, il s'est fait une grosse chaleur, il a récupéré in extremis sa voiture, il a senti quand même que c'était presque un carton jaune, et à partir de ce moment-là, il a décidé d'assurer sa deuxième place en se disant que repartir de Suède avec 0 point et un abandon, ça serait la pire des choses qui pourraient lui arriver, ce qui était le cas d'ailleurs il y a 2 ans, il avait énormément ramé ensuite pour remonter ce handicap initial, et là donc sagement, Sébastien Loeb préfère prendre les 18 points, je dis bien 18 parce que vous le savez, le système de points a changé en rallye comme en FA, donc a priori on s'achemine vers une victoire de Mikko Hirvonen, donc 25 points et 7 points de moins pour Sébastien Loeb, une petite prime à la victoire, donc important, très important pour le Français de marquer des points ici. Exactement, hein, comme tu le dis Eric, pas question de perdre 18 points, d'en avoir 25 points de retard, ça serait carrément difficile pour la suite. On en est au premier des 14 manches du championnat du monde. Je rappelle rapidement Eric, hein, que ce championnat du monde WRC, on peut le voir tous les soirs, un grand résumé de 48 minutes sur l'antenne de Motors TV, et hier soir nous on a pu voir justement une spéciale entière avec Marcus Grönholm à 190 km/h de pointe sur les routes, sur les spéciales de Suède. C'est vraiment un rallye extrêmement rapide, hein, malgré la neige, il faut le dire. Oui, effectivement, en général, les spéciales se déroulent à plus de 120 km/h de moyenne. Alors, ça paraît hallucinant de pouvoir rouler aussi vite sur la neige, entre les murs de neige, sur des routes étroites en forêt. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les pneumatiques qui équipent les voitures de rallye sont totalement spécifiques, sont dotées de pneus à clous, comme on n'en trouve pas ailleurs sur les routes de série. D'ailleurs, ils seraient purement interdits, puisque ce sont carrément des pointes de couteau qui mordent dans la glace. Et d'après les pilotes, ils ont parfois plus d'adhérence sur la neige ou sur la glace ici en Suède que sur certains rallyes très glissants sur la terre. Donc c'est dire comment ces pneus à clous sont vraiment efficaces et ce qui permet justement d'évoluer à des très très hautes vitesses. Alors le revers de cette médaille, c'est que parfois ils creusent tellement, ils adhèrent tellement que ça creuse des ornières dans les spéciales, ça dégrade énormément le revêtement. Et ici cette année en Suède, il n'y avait pas de glace, il n'y avait que de la neige et du coup ils ont vite atteint la couche de terre. Et pour le deuxième passage, eh bien les pilotes ont un petit peu souffert, notamment hier après-midi. Sébastien Loeb a perdu pas mal de temps et peut-être même a perdu le rallye hier après-midi lorsque, eh bien, il a usé beaucoup ses pneus, perdu des clous et malheureusement laissé filer Mikko Hirvonen. Oui, c'est ce que je voulais dire. Hein. On est bien avec Eric Briquet, on est sur Motors, on est en direct depuis la Suède à 80 km de Karlstadt environ. Et c'est vrai, c'est peut-être hier, Eric, qu'avec ces problèmes de pneus, ces choix, ces clous qui se sont usés, c'est peut-être là effectivement que c'est véritablement joué ce rallye de Suède. Oui, effectivement, parce que le match avait tout le temps été serré. Si on reprend le film depuis le départ, à savoir jeudi soir, lors de la super spéciale remportée par Dani Sordo, excellent, le jeune espagnol, hein, qui confirme de fortes ambitions sur ce rallye pour l'ensemble de la saison. Donc Sordo, premier leader. Ensuite, vendredi matin, dès le premier chrono, Sébastien Loeb passe en tête, tandis que Mikko Hirvonen bien se rapproche doucement. Il est troisième d'abord, puis ensuite second. Et finalement, Mikko Hirvonen passe en tête après la cinquième épreuve chronométrée. Mais à ce moment-là, les écarts sont très très serrés entre le Finlandais et le Français, puisque à la fin de la première étape, donc vendredi soir, Mikko Hirvonen est leader, mais Sébastien Loeb n'est qu'à 6 secondes seulement, donc autant dire que tout reste possible. Le lendemain, l'écart se resserre encore, puisqu'après la 12e épreuve chronométrée, soit au terme de la première boucle du matin, Sébastien Loeb est revenu à 4 secondes et 2 dixièmes de Mikko Hirvonen, et là on se dit qu'à ce moment-là, eh bien Sébastien Loeb va peut-être récidiver, c'est-à-dire remporter de nouveau le rallye de Suède comme il l'avait fait en 2004. Il avait été le premier pilote non nordiste à s'imposer ici en Suède. Et puis malheureusement, eh bien, la deuxième boucle hier après-midi lui a été fatale. Il a perdu beaucoup de temps. Il s'est retrouvé à 16 secondes hier soir. Et là maintenant, il est à environ 32 secondes. Ça veut dire que le match à la régulière, parce qu'il peut encore se passer quelque chose dans la dernière épreuve chronométrée, mais s'il se passe quelque chose, ça serait plutôt un incident pour Mikko Hirvonen. Donc à la régulière, on ne voit pas comment Sébastien Loeb pourrait aller chercher le Finlandais. Un petit mot, Patrick, peut-être pour parler des autres têtes d'affiche de rallye, non ? Allez, rapidement, Eric, hein, alors, je rappelle vite fait, hein, Latvala, Hirvonen, Loeb, Sordo, Grönholm, Solberg, Ogier, le temps de cette 20e spéciale, et effectivement, voilà. Le général Hirvonen, Loeb à 36,7, Latvala à 1 minute 20, et Dani Sordo à 2,28, et effectivement, Sébastien Ogier à 3,45. Voilà, et un petit mot pour dire que ben, Marcus Grönholm n'a pas eu beaucoup de chance pour son retour à la compétition, du moins son retour sur un rallye, parce que pour l'instant il n'est pas question d'en faire plus, il est juste venu, Marcus Grönholm, se faire plaisir au volant d'une Ford Focus WRC ici en Suède, après la 19e épreuve chronométrée, pointé en 25e position à 23 minutes du leader. Il a eu beaucoup de problèmes, Marcus, dans une panne électrique qui lui a fait perdre tous ses espoirs de bien figurer dès le premier jour. Il a perdu 10 minutes, ensuite une crevaison qui lui a coûté 7 minutes, bref, Marcus Grönholm, le double champion du monde, a quand même montré qu'il était toujours aussi rapide. Il a réussi à signer un meilleur temps scratch hier dans la spéciale de Sagen. Et puis un mot aussi, il faut le dire, il faut en parler de Kimi Raikkonen. Alors lui, c'est la cata totale. Le ouais, pauvre. Eric, c'est vrai que c'est la cata. Mais oh, je crois qu'on y reviendra, hein, sur ce début en championnat du monde des rallyes d'un ancien champion du monde de F1. Je pense que ça sera intéressant. Moi, ce que je te propose, Eric, hein, c'est qu'on se retrouve tout à l'heure, un petit peu après les infos de 13h, pour être en direct avec toi, toujours dans Moto et toujours depuis le rallye de Suède. A tout de suite, Eric. RMC Motors avec Motors TV. Allez, vous êtes toujours dans Motors, toujours le fil blanc. Ce sera bien évidemment le rallye de Suède. On aura notre page F1 tout à l'heure après le flash sur les Jeux Olympiques. Mais une petite surprise, je vais recevoir dans cette émission un monsieur qui s'appelle Siro. C'est son nom de dessinateur de BD. Salut Siro. Salut. Eh bien, merci d'être avec nous dans Motors. Vous êtes là parce que un certain Laurent Frédéric Bollé, que nous on connaît bien, hein, que ce soit à Motors TV ou ici à RMC sous le pseudo de LFB, eh bien il signe également sous son nom de Bollé des bandes dessinées, et vous avez participé avec lui à une BD, hein, qui s'appelle Speedway, où là carrément, eh bien, vous nous transportez tous les deux soit en 2156 soit en 2658, et vous nous avez dessiné des voitures de course, on va presque dire des F1 de l'espace ou des F1 des galaxies. Comment ça se passe quand on a d'un seul coup, quand on vous demande d'un seul coup de dessiner de Paris Auto? Ben c'est, pour moi c'est un vrai plaisir, parce que j'ai donné beaucoup dans la SF, dans la science-fiction, et je crois que là on s'est rejoint vraiment à un point central, c'est-à-dire que moi, j'y connais pas grand chose au monde de la F1. Mais par contre, dessiner des voitures futuristes. En fait, la course qu'on présente dans Speedway, c'est un mélange de rallye et de F1. Il y a toute une partie au départ et à l'arrivée de la course qui est sur un circuit. Et au milieu, les voitures parcourent 40 000 km dans des paysages totalement déserts sur une planète très lointaine, colonisée il y a longtemps par les terriens. Donc, c'est un pari rigolo et très intéressant pour moi, c'est d'arriver à concevoir des voitures qui soient crédibles dans les deux cas de figure. Alors, ce sont des bolides qui foncent à plus de 500, 600 km/h. Oui, c'est ça. Hein. Tout à l'heure, je parlais avec Eric Briquet, là, qui est d'Auto Hebdo, qui est en Suède, hein, et que Marcus Grönholm m'avait fait du 190 km/h sur la neige. Ouais. Ben vous, sur ces planètes inhabitées, vous faites plus du 600 km/h. Donc, ça va très, très vite. Donc, ça va très, très vite. Elles ont des performances de F1, mais totalement exacerbées. Et en même temps, elles ont des looks très massives, très résistantes, avec des moteurs surdimensionnés, des tuyères, elles ont des véritables fusées quoi, à l'arrière. Absolument. Voilà, et donc c'est tout un travail de design au niveau du dessin, avec des recherches qui se sont étalées sur assez longtemps. Et en fait, je crois que j'ai bénéficié du fait de ne pas bien connaître ce milieu pour être totalement libre. Voilà, plus ouvert éventuellement. Ouais. Exactement, et d'extrapoler au maximum, étant donné qu'on a 5 siècles de décalage. Ah bah oui, carrément. Donc, voilà, une grande liberté pour créer. Alors, Moi, il y a une chose qui m'a beaucoup plu, c'est qu'en fait, dans les années 70-80, on a encore vu récemment quelques épisodes de La Guerre des Étoiles à la télé. Il n'y a plus de roues, c'est tout se passe dans l'air et dans l'espace. Eh ben non, vous, en 2658, vous avez toujours les roues sur Terre. C'est intéressant quand même, ça, non ? À mon avis, on est plus dans la science-fiction. On est plus à la fois dans la science-fiction et dans la réalité. Parce qu'on arrive encore à s'imaginer des voitures, mais le décalage est tellement grand parce que les performances de ces voitures sont tellement incroyables que là, la science-fiction prend tout son sens. Si on avait juste imaginé des voitures volantes, on aurait été dans le règne de la SF pure et dure et on aurait eu moins de rapport avec la réalité. Là, l'idée, c'était vraiment d'avoir des voitures et une vraie course avec... Des vraies voitures avec des vraies roues, quoi, même si leur design leur approche plus, ne serait-ce qu'au niveau de leur dimension d'énormes camions, c'est quand même, ça reste sur la route, effectivement. Il faut qu'on ait quand même ce rapport pour qu'on puisse sentir tout le décalage qu'il y a avec les performances de ces voitures du futur. Eh bien, merci, Siro. Je rappelle le titre de votre album Speedway Volume 1 Axis Priority avec Bollé, donc, et vous aux éditions d'Argo. Et mon petit doigt me dit qu'avec RMC, il y aura peut-être dans quelques temps, quelques albums à gagner. Merci d'être venu nous rendre une petite visite. Dans merci quelques instants, ce sera le Flash F1 dans Motors avec Patrick Camus, l'envoyé spécial d'Auto Hebdo. Mais tout de suite, c'est le Flash des Jeux Olympiques avec Clément Zanpin. RMC Motors avec Motors TV. Allez, nous sommes dans Motors. On va partir dans quelques instants pour l'Espagne et Jerez pour notre page F1. Mais avant, direction Vancouver. RMC, le Flash Olympique. Le Flash Olympique donc avec Clément Zanpin. Marie Dorin, elle a 23 ans et c'est la première surprise de ces Jeux de Vancouver. Une bonne surprise puisqu'elle a remporté la nuit dernière la médaille de bronze dans le sprint du biathlon féminin. Première médaille française décrochée sous les yeux des descendeurs français et de leur entraîneur, le Suisse Patrice Morizot. J'espère que ça leur a donné des idées puisqu'on a vu qu'une Française avait fait une médaille de bronze où elle était pas vraiment, vraiment attendu et c'est peut-être un petit peu notre rôle d'outsider et j'espère que ça leur donnera des idées. C'est pas tous les jours qu'on peut être aux Jeux Olympiques, il faut qu'ils prennent du plaisir. Je leur ai dit, l'important c'est pas de participer, c'est de participer et d'avoir des ambitions. Des ambitions, il en aura de toute évidence. Jason Lamy-Chapuis dans le combiné nordique, le leader de la Coupe du Monde tentera de décrocher une médaille, c'est à partir de 19h à 20h15. Entrée en lice de Vincent Defrane et des frères Fourcade dans le sprint du biathlon et puis à 2h30, Guy Bocola une grande chance de médaille, là aussi participera à la finale du ski de boss. Tout cela, ce sera à suivre en direct sur RMC, mais aussi sur le site rmc.fr. Les événements sportifs de Vancouver avec grosbill.com, spécialiste du high-tech à prix low cost, en ligne et en magasin. De retour sur Motors pour ouvrir notre grande page Formule 1. Vous le savez, les essais d'intersaison ont repris depuis le début du mois de février. Après une semaine passée à Valence, la plupart et la majeure partie des équipes de Formule 1 se sont rendues sur un autre circuit espagnol, en Andalousie cette fois-ci, à Jerez, où il n'a pas fait forcément très beau, mais malgré la pluie, il y avait là-bas notre confrère d'Auto Hebdo, Patrick Camus. Patrick, tu es avec nous depuis Jerez, où donc se sont déroulés des essais quand même un petit peu perturbés par la pluie hein, cette semaine. Oui, bonjour Patrick. Oui, des essais très très perturbés par des pluies quasi quotidiennes à part mercredi, disons. C'est perturbant dans la mesure où les voitures étaient là pour savoir un petit peu ce qu'elles avaient dans le ventre, dans les tripes, et on reste sur notre faim, évidemment. Alors justement, dans cette semaine, on a quand même l'impression, Patrick, que alors déjà, la pluie pourra en rester avec la pluie. C'était les débuts de la RB06. Il est arrivé également à RRS la toute nouvelle équipe Virgin. Est-ce qu'on peut d'ores et déjà dire, Patrick, qu'elles ont pris un peu de retard, surtout Red Bull et la 06, sur leur planning, sur leurs essais et sur la concurrence qu'avait déjà fait la semaine précédente à Valence? Oui et non. Oui, dans la mesure où quand même la semaine d'essai à Valencia a permis une remise en jambe après un hiver sans essai du tout. Les nouvelles voitures ont été découvertes, ça a été un petit peu d'émotion plus que de technique. Là, Jerez, il fallait y aller pour bosser, effectivement. Et on reste sur nos fins, justement, parce que quand on voit une équipe Ferrari qui est capable d'aligner je ne sais pas combien de kilomètres chaque jour, Alonso en a bouclé 600 jeudi, Massa en a bouclé plus de 708 hier, c'est énorme, 2000 kilomètres, je crois, hein, pour la F10, seulement à Jerez. C'est énorme. Et à côté de ça, effectivement, on a des Red Bull qui arrivent à 1200 kilomètres avec des petits pépins, des petits soucis. Virgin, évidemment, beaucoup moins de kilomètres, de nombreux petits soucis aussi. Mais bon, il ne faut pas du tout se baser sur cette semaine, je crois. Et à cause de la pluie et à cause du jeu des écuries, avec le poids de l'essence, on ne sait pas qui avait quoi. Est-ce qu'il y en a qui ont tourné avec 90 kilos, d'autres avec 170, d'autres à vide. On peut vraiment se poser des questions. Je crois qu'il faut attendre non seulement les essais de la semaine prochaine, qui ont lieu encore à Jerez, et là on risque d'y voir quelques petites nouveautés techniques, quelques évolutions, mais ce sera à Barcelone, fin février, qu'on en saura vraiment plus sur la hiérarchie technique de ce plateau 2010. Oui, on est d'accord, hein, Patrick. Hein, ces essais d'intersaison, il faut toujours à la fois en tenir compte, les interpréter. C'est vrai que la quantité de carburant, on rappelle quand même que cette saison, il n'y aura plus de ravitaillement en carburant. Donc les voitures ont changé, les réservoirs peuvent être plus que pleins, en tout cas pratiquement le double que les saisons précédentes. Est-ce que quand même, tu n'as pas l'impression que tu viens d'en parler de Ferrari avec déjà carrément pratiquement des simulations de Grand Prix et avec une connaissance peut-être de l'usure des pneumatiques que n'ont pas d'autres équipes. Ah, ça, incontestablement. Alonso, jeudi, a fait 600 kilomètres. C'est pas par hasard. Hein. Il a fait une simulation de Grand Prix l'après-midi. Il est allé jusqu'à l'usure de ses pneumatiques. Là, il n'y a aucun souci. La F10 est hyper fiable, hyper constante. Elle dégrade pas ses pneus, elle les use de manière assez régulière. Maintenant, pour la performance pure, allez savoir. Ouais. Allez savoir, est-ce que ces temps autour seront suffisants pour gagner à Bahreïn ou suffisants pour être troisième? Ça, on n'en sait rien parce qu'il y en a qui cachent leur jeu. On peut s'interroger, par exemple, sur la McLaren. Hamilton a fait de super temps hier. Il est tourné en 1.19 assez régulièrement, mais avec combien d'essence? Voilà la question. Alors, est-ce que, justement, je continue avec la Ferrari, parce que dans Auto Hebdo, vous avez sorti un sujet très intéressant et un petit dossier sur la façon dont on a travaillé ce fameux double diffuseur, hein, qui, je rappelle également, sera interdit la saison prochaine. Est-ce que, à l'image de Brown GP, qui avait trouvé un truc, comme l'on dit en début de saison dernière, est-ce que tu considères que Ferrari a trouvé un autre truc à l'orée de cette nouvelle saison? Oui, bien sûr, et c'est l'un des sujets justement que l'on a travaillé dans notre spécial F1 là qui sort mercredi dans notre guide de la saison. Ferrari a trouvé un truc, un énorme truc. Elle a adopté un ensemble moteur boîte ancré pas du tout horizontalement par rapport au sol ou au plancher de la voiture, mais incliné avec un angle de 3 degrés et demi, ce qui permet d'entamer un diffuseur arrière un petit peu plus tôt et surtout de lui donner beaucoup plus de volume d'expansion à l'arrière. C'est un diffuseur énorme, et évidemment avec plusieurs étages, bien alimenté en air. Et là, ça va faire des appuis. Hein. Mais Ferrari n'est pas tout seul. D'accord. Ferrari n'est pas toute seule, pardon, à avoir trouvé ce truc. Red Bull, sur sa RB6, a sorti un système relativement intéressant. C'est pas aussi pointu que celui de la Ferrari, mais c'est pas mal. La McLaren a sorti son truc aussi, pas non plus extrême comme celui de la Ferrari, mais certainement efficace. Et puis il y a la Mercedes qui a l'air assez traditionnelle. J'ai l'impression que Ross Brawn n'a pas voulu prendre de risques. Il était persuadé que sa voiture de l'année dernière marchait superbement bien. Il a gardé ses bonnes idées. Il en a rajouté d'autres qu'il a piquées à droite à gauche, et en particulier à la Red Bull de l'année dernière. Et bon, reste à savoir si tout ça mis ensemble, ça va marcher aussi bien que la Brawn de l'année dernière. C'est pas évident du tout. Ça, c'est vraiment effectivement très très intéressant. Et puis, il me semble bien quand même que ces inclinaisons de moteur, c'était quelque chose qui avait déjà été un petit peu étudié il y a quelques années. Comme quoi, en Formule 1, parfois, les recettes d'un moment disparaissent. Et puis, bon, on a l'impression que, en fonction des règlements techniques, certains astuces réapparaissent comme ça. Hein. Ah ben, c'est sûr. On peut pas réinventer la roue non plus, hein, en Formule 1 comme ailleurs. Non, cette histoire de moteur incliné, c'est une idée qu'on doit à Tony Southgate, à l'époque où il était directeur technique d'Arrows. C'était, je crois, en 79, quelque chose comme ça. Bon, il fallait à l'époque exploiter les wing cars, hein, ces voitures qui avaient des fonds en forme d'ailes d'avion inversées. Et lui, il était allé vraiment à l'extrême de ce système en dotant sa voiture d'un moteur et d'une boîte inclinée, 4 degrés. Et tout le fond de la voiture était caréné en aile d'avion inversée. Et ça produisait tellement d'appui que, enfin du moins sur les ordinateurs, d'après sa règle à calcul de l'époque, qu'il avait privé sa voiture d'ailerons avant et arrière. Ben bon, ça n'a pas marché pour autant. Hein, non, c'est vrai. On se rappelle qu'effectivement, il avait été obligé de revenir un petit peu en arrière. On pourrait évoquer, Patrick, également, hein, avant de revenir sur une deuxième semaine, effectivement, à Jerez, à ce qui se passe. À la star, on continue d'être un petit peu la vedette de ces essais privés, c'est Michael Schumacher. Comment tu l'as senti, toi, tout au long de cette semaine à Jerez, Michael Schumacher? Ben, on le sent hyper motivé, rajeuni de 10 ans, incontestablement, le sourire, l'enthousiasme, il a envie de recommencer une nouvelle carrière, c'est tout à son honneur, c'est sympa, hein. Il faut saluer quand même son courage. Sera-t-il le Schumacher de l'ancienne époque sans... Il faudra être à Bahreïn pour le savoir vraiment. Que dit-il de sa voiture? Il est un petit peu soucieux, à mon avis. Il ne sait pas. Il nage entre deux eaux. Il reconnaît qu'elle est par moments assez rapide, mais un petit peu inconstante. On évoque des transferts de masse un petit peu inattendus. On évoque une répartition du poids... à revoir quoi. Cette Mercedes n'est pas super au point pour l'instant. Beaucoup de travail, il le reconnaît lui-même, mais ça reste quand même une des quatre équipes de pointe de la saison, hein, a priori. Oui, c'est vrai, on rappelle hein, donc la surprise de la saison dernière avec ce titre pour Brands GP devenu Mercedes avec maintenant ces deux nouveaux pilotes. Mercedes forcément attend beaucoup hein, de cette nouvelle auto qui reprend le sigle W. Hein, faut-il également le rappeler, Patrick, qui a fait justement la gloire des flèches d'argent avec donc Michael Schumacher d'un côté et puis Nico Rosberg de l'autre. Nico Rosberg, il arrive à trouver sa place dans tout cela? Il essaye. Il reste zen, il reste calme. Il compte sur Schumacher pour faire avancer le Schmilblick côté technique. Lui, il compte sur ses performances. Bon, c'est le petit nouveau de l'équipe. Hein. Il ne faut pas non plus qu'il se prenne pour Schumacher. Il a plus à apprendre de Schumacher que Schumacher n'a à apprendre de lui. Mais je pense que ça devrait bien se passer. Ça devrait bien se passer. En tout cas, c'est dans son intérêt de respecter Schumacher et d'apprendre et de faire un petit peu profil bas. Au moins cette saison, voilà. Eh bien, ce que je te propose, Patrick, c'est de marquer une petite pause, mais on revient très vite ensemble, Patrick Camus, Auto Hebdo, pour une deuxième partie de notre page F1, alors que se sont déroulées la deuxième semaine d'essai F1. Ça se passait à Jerez, en Espagne. À tout de suite, Patrick. RMC Motors avec Motors TV. Allez, effectivement, vous êtes toujours dans Motors, avant de retrouver le fil blanc et rouge de cette émission, qui est la première manche du championnat du monde double. Verser les championnats du monde des rallyes en Suède avec Eric Briquet. On repart du côté de Jerez et de la Formule 1 en compagnie de Patrick Camus d'Auto Hebdo. Alors justement, Patrick, dites-nous un petit peu quelles sont les grandes lignes de votre numéro hors série là, qui sort la semaine prochaine. Ouh, alors là, il y en a pour un moment. Eh ben oui. Alors, disons que d'abord, vous allez découvrir un nouvel Auto Hebdo dans sa conception, dans son image, sa maquette, sa présentation, son format. Vous allez retrouver des sujets assez plutôt intéressants, originaux aussi, sur les traces de Button, par exemple, en Angleterre. Un article dû à Jean-Michel Desnoux, mon collègue et néanmoins ami. Et puis, un sujet très, très original sur Michael Schumacher, dont je vous laisse la primeur. Eh ben voilà. Voilà, c'est un article... à la limite du comique, mais avec énormément de confidences sur tout le temps qui s'est passé entre le jour où il a décidé de prendre sa retraite et le jour où il a décidé de revenir en Formule 1. plein de petites anecdotes. C'est assez sympa. Et vous avez demandé vous avez posé la question à son épouse, à ses enfants, à Corinna, pour savoir si c'était de sa faute, alors s'il reprenait le chemin de la compétition. Non, c'est pas du tout de sa faute à Corinna. Non, elle admire son mari, elle admire le pilote qu'il est, elle reconnaît qu'une passion, bon, c'est plus fort que tout le reste, quoi. Il faut y aller, hein, quand on est animé par ça. Si c'est son bonheur, si c'est son bien-être et sa raison de vivre, sa raison d'être en tout cas, oui, il faut le laisser faire. Elle est autant passionnée que lui, de toute façon. Et ça veut dire qu'on la reverra également avec lui sur les circuits, c'est oui, ça? Oui, sans doute. Oui. Et puis, vous y lirez aussi un petit peu toute la définition que sera cette saison, les conséquences de effectivement, cette interdiction de ravitailler, les nouveaux pneus. Ce diffuseur, qu'est-ce qu'il va faire? C'est les trucs que les écuries ont trouvés. Bon, il y a de quoi lire, hein, vraiment. Ouais. Si vous voulez acheter mercredi, vous en aurez pour jusqu'à dimanche. Hein. Maintenant, il ne faut pas le dire, parce qu'autrement, après, à Motors TV, on va croire qu'on ne travaille pas et qu'on lit Auto Hebdo, ce qui n'est pas vrai du tout, vous le savez bien. Alors, dis-moi, Patrick, écrire sur toutes les équipes de Formule 1 pour dans ce hors-série qui va paraître avant la saison, quand il s'agit de Virgin ou de Lotus qui vient de présenter sa toute nouvelle T127, c'est pas forcément facile. Si, comment vous avez les tuyaux là? Non, ça n'a pas été facile. Jean-Michel Denoux a tanné le cuir de Lotus, il a obtenu ce qu'il voulait, mais il faut dire quand même qu'il a suivi cette écurie pendant tout l'hiver, hein, il y allait très souvent pour voir l'évolution des choses, et donc il n'y a pas eu trop de problèmes. Les seules difficultés, c'est de cerner un petit peu les intentions de nos amis de chez Campos, de USF One. Oui, voilà. Alors, ça, c'est d'énormes mystères. Seront-elles au départ de la saison à Bahreïn? On commence à en douter de plus en plus. Oui, c'est vrai. Alors, d'un côté, vous avez Bernie Ecclestone qui l'a déclaré. Ils ne seront pas là pendant les premiers Grands Prix de la saison. On rappelle que les premiers Grands Prix, ils sont vraiment hors Europe. Ils sont très loin. Il y a Bahreïn, il y a la Chine. Il y a la Malaisie. Donc, tout ça, d'un côté, vous avez Bernie Ecclestone qui dit qu'ils ne seront pas là. Et puis Jean Todt qui, lui, en tant que président de la FIA qui organise le championnat du monde, mais si, ils seront là. Toi, tu penses que non? Alors, ce bras de fer, c'est assez rigolo, hein, parce que d'un côté, effectivement, il y a Bernie qui dit non, en vertu d'un accord qu'on avait passé à cause de Super Aguri à l'époque, on laisse aux écuries les plus en difficulté la liberté de commencer la saison au 4e Grand Prix, c'est-à-dire Shanghai. Et puis, bon, ça, c'est un accord commercial, c'est un accord amiable. Et puis, de l'autre côté, il y a les FIA qui disent « Non, mais attendez, les gars, vous êtes quand même inscrits à un championnat du monde de Formule 1. Et FIA, il faut participer à toutes les épreuves. » Oui, c'est ça. Entre le commercial et le sportif, on ne sait plus où est la limite maintenant. Moi, je pencherais plutôt pour la position de la FIA, parce que à ce moment-là, c'est trop facile. Hein. Une écurie dit « Bon, je vais commencer à mi-saison » ou « Une équipe de foot va faire que la deuxième mi-temps » ou « Non, on ne peut pas hein. ». Alors, bon, cela étant, ces écuries sont quand même dans une situation relativement difficile. USF One, paraît-il, viendrait de sortir sa première monocoque, va la soumettre au crash test demain, je crois. C'est pas très sérieux. Non, c'est sûr. Campos, j'ai eu des nouvelles encore ce matin. Cette équipe se sépare de son partenaire Meta Image. Les ingénieurs ont, paraît-il, quitté le navire. Il n'en reste plus qu'un. C'est l'ancien directeur, un ancien ingénieur de Kubica chez BMW qui est devenu directeur technique de Campos GP. Bon, il n'y a que lui qui est resté et il n'est pas payé. Oui. Donc, c'est pas simple. Hein. Oui, c'est autrement dit, les débuts de Bruno Senna en Formule 1 sont peut-être pas pour tout de suite. On va revenir au concret, si tu veux bien, Patrick, parce que moi, j'ai noté aussi quelques petites choses par rapport à cette semaine. Eh bien, c'est que, allez, on revient sur les quatre, hein, on va dire Brown GP, Red Bull, McLaren, Ferrari. Mais quid, et que penses-tu, toi, de Sauber, qui a fait quand même des tours, qui a pas mal travaillé, qui a beaucoup roulé, apparemment la voiture est fiable, Camus Kobayashi et Pedro de la Rosa ont fait des chronos assez sympathiques. Eh bien oui, c'est une voiture qui étonne, bon, elle est simple, elle n'a pas de grosse sophistication technique, c'est une belle évolution de la voiture l'année dernière qui avait été pondue plus ou moins bien autour du SREC et qui ne marchait pas. Bon, là, Willy Ramp est revenu à quelque chose de beaucoup plus traditionnel. Et ça marche, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. En plus, le moteur Ferrari est hyper connu, hyper fiable. Tout doit bien marcher. Maintenant, c'est une question difficile. Est-ce qu'elle a l'essence? Est-ce qu'elle a du lest? Qu'a-t-elle? Parce qu'elle doit attirer des sponsors. On dit aussi que Kobayashi fait de super tentes, mais il est encore en attente de verser ce qu'il a promis de verser à Sauber. Mais... Et bon, lui aussi est en point d'interrogation. C'est une équipe qui est en difficulté également, parce que elle n'a pas le budget qu'elle doit avoir pour disputer cette saison. Autrement dit, tu es en train de suggérer qu'éventuellement les temps que font Della Rosa Kobayashi sont aussi là pour finir de convaincre d'éventuels sponsors d'aller signer en bas de la feuille. Oui. C'était un peu comme ce que nous a fait Alguer Suari ou Buemi en début d'essai cette semaine à Jerez, de super chrono. On peut douter quand même... Il n'y avait pas les 170 kilos d'essence dans le réservoir. Oui, c'est un petit peu vrai. Mais c'est vrai qu'aussi, chacun prend bien la langue de bois, hein, parce qu'au terme de cette semaine, malgré la pluie, malgré tout, on a beau chercher, on ne trouve que des gens contents. Sutil, Luizzi, même Timo Glock n'est pas mécontent de ce qu'il a fait. On est content du côté d'Alguer Sarri, de Buemi. Effectivement, tout va bien, quoi. Oui, même Kubica, même Renault, même Eric Boullier est content de sa Renault 30. Il n'y a pas de problème, l'hiver, tout le monde est comme ça, Patrick. C'est pas ça. D'aujourd'hui. C'est ça. Bon, il n'y a plus de bouteilles de champagne à sabrer, mais les promesses sont restées, elles, quand même. Voilà. Alors, tu parlais de Renault, justement. Je voulais y venir pour finir cette belle page F1 en ta compagnie. Alors qu'on rappelle que tu es à Jerez, que tu vas quitter Jerez. Tu y retourneras la semaine prochaine? Non, je ne pense pas. Parce que c'est une séance, ça sera une séance de travail aussi. Les voitures vont recevoir leurs premières évolutions, les derniers ailerons et dernières carrosseries qui sortent de soufflerie. Par contre, j'irai très certainement à Barcelone, parce que là, ce sera le premier juge de paix. Voilà. Alors justement, Renault, on se rappelle, on s'était moqué de Renault à l'époque où quand ils avaient sorti la R25. Et sauf que la R25, elle avait été championne du monde. Est-ce que tu crois que la R30, elle peut aussi être championne du monde? Non. Non, pas champion du monde, pas cette année. Si elle fait quelques podiums, c'est bien. Si elle peut se battre pour une victoire, ça sera super bien. Mais non, je crois pas. Et Renault est reparti d'une feuille blanche à tous les niveaux, structure humaine, structure technique, la voiture, un nouveau concept, de nouveaux pilotes, un nouveau patron. C'est pas simple. Il faut tout remettre en place. Une victoire, un titre mondial, ça se dispute une fois que le puzzle est complet, et que toutes les pièces sont en place, et pour l'instant, Eric Boullier est en train de les mettre en place. Tu penses quand même qu'au niveau des chronos, hein, pour conclure, elle peut progresser encore? Apparemment, je disais que tout le monde est content, Kubica n'a pas l'air mécontent de sa monture, elle peut progresser dans les, on va dire, deux dernières séances qui restent? Oui, surtout celle de Barcelone. La R30 est une voiture qui est sortie, telle qu'on l'a vue à Valencia, elle représentait 60% de ce que sera la Renault 30 à Bahreïn. Et donc encore pas mal de choses à découvrir. Oui, 40% de la nouvelle Renault reste à venir. Allez, il en reste donc 40%. Patrick Camus, Auto Hebdo, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans Motors sur cette longue et belle page F1. Grâce à toi, on en sait un petit peu plus sur ce qui s'est passé à Jerez. On va se quitter quelques instants et bien sûr, restez avec nous dans Motors, car après les actualités, ce sera le Rallye de Suède. On retrouvera Eric Briquet, également notre confrère d'Auto Hebdo.